De mon village, accueillez-moi dans vos prières. Je suis l'enfant de ma naufrage qui danse et chante chez les fées. Accueillez-moi, ayez pitié des folies dues à mon grand âge, des folies dues à mon grand âge. À la volée, chassait les corneilles des tours, les picorées du vieux clocher, le toit d'ardoise et les ajouts. Vous portiez coiffe de velours, robe prudente et devantier, robe prudente et devantier. Passait comme l'orage qui fait plaisir mais peu d'usage. On le cachait pour pas le sage tant que Marmot n'était pas né, tant que Marmot n'était pas né. J'ai tout connu de vos misères, de vos travaux, de vos galants, chansons de vos colères et de vos peines de plein vent. Souvenez-vous, dans le chien d'or, se mourait la rose trémière, se mourait la rose trémière. Fille perdue de mon village, à la prudence va le grain. Dans la bave des batailles, l'âme à la joie qui en chagrin, chantez couplets, chantez refrains, les chansons de votre veuvage, les chansons de votre veuvage.